Chapitre deuxième. Si vous attendez de moi, continua l'Américain, une biographie ou un portrait du colonel Chamberlain, je ne pourrai pas vous satisfaire. Je ne connais pas son histoire en détail et je ne l'ai jamais vue. Dites ce que vous savez. J'inventerai ce qui sera indispensable pour relier vos renseignements, ou je m'arrangerai pour laisser deviner ce que je ne pourrai pas inventer. D'abord, quel âge a-t-il? Jeune, vieux, marié? Jeune, 27 ou 28 ans, pas marié. Beau garçon? Cela, je n'en sais rien. Je vous ai dit que je ne l'ai jamais vu. Ce que je vous rapporte, je l'ai entendu raconter dans notre maison ou je l'ai lu dans les journaux américains, car maintes fois ils ont cité son nom pendant la guerre. Et si vous n'étiez pas dans une ignorance qu'on peut appeler véritablement française, à l'égard de tout ce qui se passe au-delà du Rhin ou de la Manche, vous en sauriez à peu près autant que moi. Ne vous gênez pas, cher ami. Vos critiques me laissent froid. C'est aux étrangers de savoir ce qui se passe en France, ce n'est pas aux Français de chercher ce qui se passe à l'étranger. Ce qui ne vous empêche pas de m'interroger sur le colonel Chamberlain. Ça, c'est différent. Affaire de moment, voilà tout. En tout cas, le colonel est doué d'une qualité spéciale et personnelle qui, en dehors des circonstances présentes, lui mérite l'attention et la sympathie des Français. Vous savez, si c'est un héros, le genre est démodé. Ce n'est pas de cela que je veux parler, il est d'origine française, bigre. Voilà qui devient intéressant. Il a donc eu une bonne idée pour ma reine, qui l'a douée à son berceau comme dans les féeries. Pourquoi ne me disiez-vous pas tout de suite que c'était le prince charmant? Sous le règne de votre roi Louis-Philippe, un ouvrier du faubourg Saint-Antoine, gravement compromis dans les mouvements révolutionnaires, se sauva en Angleterre puis de là aux États-Unis. C'était le père du colonel. Il est de fait, ce nom de Chamberlain a une tournure française. Ce que fut la vie de cet émigrant en arrivant à Philadelphie, l'histoire, ou plus justement les histoires que j'ai entendues, n'en parle pas. Sans doute elle fut celle de tous ceux qui débutent par la misère. C'est le fils qui nous intéresse. Pour arriver à ce fils, il faut un mariage. Ce mariage a lieu. L'ouvrier parisien, devenu bûcheron du côté des monts Allegheny, épouse la fille d'un bûcheron comme lui, une américaine d'origine anglo-saxonne. De ce mariage naît notre colonel vers 1838 ou 1839. Ici se trouve une grande lacune dans ce que je sais. Je la comblerai, si cela est nécessaire à mon récit. Ce que furent l'enfance de notre personnage et sa jeunesse, je l'ignore. Comment fut-il élevé, reçut-il de l'instruction? Et le pétrole? J'y arrive. La Pennsylvanie, vous le savez, est couverte en grande partie de forêts. Ce sont même ces forêts qui lui ont donné son nom, Sylvaille de Penn. Notre bûcheron travaillait dans la contrée qui longe les monts Allegheny. En parcourant sans cesse ces forêts, il remarqua en certains endroits un liquide huileux qui sortait de terre et s'accumulait dans des cavités où il formait de petits étangs qui répandaient leur voisinage une odeur infecte. Ce liquide jaillissait avec une telle force que, durant l'hiver, il brisait des couches de glace de plus d'un pied d'épaisseur. Aux abords de ces sources, on entendait des bruits souterrains. Chamberlain savait voir et réfléchir, et bien qu'il ne fût ni savant ni ingénieur, il comprit qu'il pouvait tirer parti de sa découverte. La fortune jusque-là lui avait été cruelle. Il n'avait pas d'argent. Il sut trouver des gens qui lui en donnèrent, ce qui est plus difficile que de trouver des sources de pétrole. Il sut même se faire une large part dans l'association qu'il forma avec ses capitalistes, et un beau jour, les puits qu'il creusa dans la partie de la forêt qu'il avait achetée débitèrent 200 000 litres d'huile en 24 heures, c'est-à-dire qu'ils produisirent quelque chose comme 40 000 francs par jour. 40 000 francs par jour? Le colonel Chamberlain a 40 000 francs de rente par jour. Il faut faire la part de ses associés. Mais mettons seulement la moitié, et ce sera déjà quelque chose. 20 000 francs par jour, qu'est-ce que cela peut faire par an? Vous, Fernam, qui jongle avec les chiffres, vous devez voir cela tout de suite. 7 300 000 francs, sans compter les revenus du capital économisé. C'est un joli budget, dont plus d'un roi se contenterait. D'autant mieux qu'un colonel n'a pas les dépenses obligatoires d'un roi. Aussi le colonel a-t-il pu se payer le luxe d'une dépêche de 46 mots sans encourir le reproche de prodigalité. Je trouve même que loger à l'hôtel avec un pareil revenu est assez misérable. Vous parlez en français. Chez nous, les personnes les plus riches demeurent dans les hôtels pour ne pas avoir l'ennui des domestiques. Si le colonel est d'origine française par son père, il ne faut pas oublier qu'il a été élevé à l'américaine. Maintenant, il vous reste à m'apprendre comment il est devenu colonel. La découverte des sources de pétrole faites par le père remonte à 1861, qui est l'année, vous devez vous en souvenir, où commença la guerre de sécession. Tandis que le père s'occupait d'exploiter son affaire, le fils prenait du service dans l'armée du Nord. Ce que furent ses débuts, je ne le sais pas. Jeune, inconnu, il resta confondu avec tant d'autres. Seulement, plus heureux que beaucoup de ses camarades, il ne laissa ses eaux ni à Bull's Run, ni à Fredericksburg, ni à Chattanooga. La première fois où il se mit en évidence, c'est dans l'étonnante course de Sherman, du Mississippi à l'Atlantique, en 1864. Puis dans la campagne de Sherman, à travers la Géorgie. Chamberlain, qui est colonel de cavalerie, joue un rôle des plus brillants, dont tous les journaux ont parlé. La guerre aurait duré, il serait devenu assurément un de nos meilleurs généraux. Au reste, si vous aviez besoin de renseignements sur ce sujet, je vous mettrai en relation avec des gens qui ont fait campagne avec le colonel et qui pourraient vous parler de lui en connaissance de cause. Pour cela, je vous remercie. Nous rentrerions dans la catégorie du héros et ça manque de nouveautés. Mieux vaut l'homme au pétrole et aux millions de revenus. C'est peut-être moins noble, mais c'est plus original. Alors, vous trouvez que mon colonel peut être présenté à votre public? C'est-à-dire, mon cher ami, que vous m'avez rendu un véritable service en me communiquant cette nouvelle. Vous verrez quelle partie j'en tirerai pendant 8 jours. Je veux que notre colonel soit une curiosité quand il arrivera. Si vous voulez bien ne me faire figurer en rien dans tout cela, je vous en serai reconnaissant. Soyez tranquille, je ne suis pas de ceux qui citent leurs sources et qui montrent leurs témoins. C'est un mauvais système qui vous oblige à avoir toujours ses sources ou ses témoins, et quand on ne les a pas, ce qui arrive quelquefois, pour ne pas dire souvent, on est embarrassé. Non, vous resterez dans la coulisse. Seul le colonel paraîtra en scène. Voulez-vous voir comment? Volontiers. Premier article pour un journal à information. Toujours bien informé, nous sommes les premiers à annoncer une nouvelle qui va faire sensation. Le colonel Chamberlain a retenu ses appartements au Grand Hôtel. Il arrivera à Paris le 10 du mois prochain. Chacun sait que le colonel Chamberlain, qui a joué un rôle si brillant dans la guerre de sécession, est propriétaire des plus riches sources de pétrole de l'Amérique. Ces sources produisent par jour 300 ou 400 000 litres de pétrole d'une valeur de 60 à 80 000 francs. Il s'interrompit dans sa récitation. Ici, vous savez que l'exactitude n'est pas nécessaire, elle rebute même notre lecteur. Puis, continuant, c'est donc d'un revenu annuel d'une quinzaine de millions que jouit le colonel Chamberlain. Il n'a pas encore 30 ans, il n'est pas marié. Il vient à Paris pour s'amuser. Aux armes, citoyenne. Maintenant, passons au second article pour le journal de nouvelles. Tandis que nous sommes encore en France à ne nous servir que rarement et mesquinement du télégraphe, une invention française cependant, voici l'usage qu'en font les Américains. Hier, le Grand Hôtel a reçu, venant de New York, une dépêche de 46 mots, qui avait pour objet de retenir un appartement. Or, comme le savent tous ceux qui sont en relation d'affaires avec l'Amérique, chaque mot transmis par le câble coûte 12 francs 50 centimes. À cela, il faut ajouter 131 francs 35 centimes pour la réponse, plus 6 francs par 10 mots pour Londres. C'est donc quelque chose comme 700 francs qui ont été dépensés rien que pour retenir une chambre. Il est vrai que celui qui a fait cela est le plus riche propriétaire des sources de pétrole de la Pennsylvanie. S'interrompant de nouveau, vous voyez l'article. Je le termine par quelques considérations sur les services télégraphiques. Et demande s'il n'est pas honteux qu'un grand pays comme la France n'ait point un câble à lui et soit obligé d'emprunter celui de l'Angleterre, son ennemi autrefois, sa rivale aujourd'hui. Cette note patriotique donnera de l'accent à mon récit. Maintenant je passe au troisième, à celui du journal sérieux dont le lecteur veut être instruit. Plus d'avertissements aux cocottes, plus de réflexions sur la télégraphie, mais des détails précis sur le pétrole. Ce produit minéral qui tend à prendre une si grande importance dans les usages ménagers. Ici, je me renforce avec un dictionnaire géologique. Puis j'arrive au colonel Chamberlain, le propriétaire des sources de la Pennsylvanie, qui va venir visiter notre exposition et alors je ferai un portrait du colonel, ce héros de la guerre de sécession, qui au lieu de laisser sa peau à Bull's Run et à Chattanooga, comment écrivez-vous ce diable de nom? Deux O, n'est-ce pas? Oui. Au lieu de laisser sa peau à Chattanooga, a aidé puissamment le général Sherman dans son étonnante campagne, etc., etc. Qu'il arrive donc, votre colonel, vous verrez comme il sera reçu. Un mot seulement. Si vous faites un portrait du colonel que vous n'avez jamais vu, n'oubliez pas que l'Américain d'aujourd'hui ne ressemble plus à celui qu'on montrait, il y a quelques années, sur le théâtre et dans les livres. Il ne taille plus des petits morceaux de bois et ne chique pas toujours. C'est le citoyen libre d'un grand pays. Car l'Amérique est un grand pays. A very big country. Bon, je mettrai ça dans un autre article, qui sera le 4e. Cela vous sera agréable. Et puis je ne serai pas fâché de poudrer ma prose de quelques mots anglais. Ça fera bien. A very big country. Qu'est-ce que veut dire big? Grand, gros. C'est entendu. L'Amérique est un grand pays. Et quand on y rencontre des citoyens qui chiquent et crachent sur leurs voisins, on peut être certain qu'on a devant soi des Allemands.